Allah Azza wa Jal a envoyé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde les gens avant la venue de l'heure. Il n'a donc délaissé de bien sans l'avoir indiqué à sa communauté, ni de mal sans en l'avoir averti. Du fait que notre communauté est la dernière et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, Allah Azza wa Jal a donné exclusivement à sa communauté des signes précurseurs de l'heure, tout en les ayant expliqués par le biais de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la plus parfaite et la plus complète des manières. Il a informé que les signes de l'heure apparaîtront, nul échappatoire à cela. Il n'y a aucun autre prophète après Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer aux gens ces signes et ce qui arrivera à la fin des temps comme événement important, annonçant la destruction de ce monde et l'avènement d'une vie nouvelle où chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il aura accompli. Allah Azza wa Jal a dit « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Sourate Al-Zalzala, versets 7 et 8. Vu que parmi les dogmes auxquels il incombe de croire figure la foi au jour dernier, ainsi qu'à la rétribution et au châtiment durant ce jour, et vu que la vision de l'homme ne se limite peut-être qu'à ce monde et ce qu'il contient comme jouissance, tout en oubliant le jour dernier et ne faisant rien pour, Allah Azza wa Jal fit en sorte qu'il y ait, avant l'heure, des signes annonçant sa venue, confirmant qu'elle arrivera inévitablement, afin que le moindre doute la concernant ne s'empare des gens et que rien ne les en détourne. Dès lors que le véridique, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne certains signes de la fin des temps, et que les gens les voient se produire, ils sauront avec certitude que l'heure arrivera sans aucun doute. Ils agiront donc en conséquence, et se prépareront pour ce jour en accomplissant les bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard, et que le temps imparti ne s'écoule. Allah Azza wa Jal a dit « Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. » Ou qu'elles ne disent, « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Ou bien qu'elles ne disent en voyant le châtiment, « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Sourate Az-Zumar, versets 56 à 58. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son sermon, j'ai été envoyé avec l'heure telle ces deux-ci, en désignant l'index et le majeur. Aussi, lorsqu'il mentionnait l'heure, ses joues devenaient rouges, sa voix s'élevait et sa colère s'intensifiait, tel le guet d'une armée les mettant en garde contre l'ennemi matin et soir. En effet, les compagnons, radiallahu anhum, craignaient la venue de l'heure, de leur vivant. Chose qui apparut clairement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit la description du faux messie, comme cela est relaté dans le hadith que rapporte An-Nawas ibn Sam'an, radiallahu an, disant « Un matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoqua le faux messie. Il élevait la voix et la baissait si bien que nous pensâmes qu'il se trouvait derrière quelques palmiers. Mais quand nous nous rendîmes auprès de lui, il remarqua cela en nous et dit « Qu'avez-vous ?» Et nous de répondre, ô messager d'Allah, tu as parlé du faux messie le matin, tu as élevé la voix et l'a abaissé si bien que nous pensâmes qu'il se trouvait derrière quelques palmiers. Il répliqua, ce n'est pas le faux messie que je crains le plus pour vous. S'il apparaît et que je suis présent parmi vous, c'est moi qui le vaincrai par la preuve pour vous. Et s'il sort et que je ne suis plus parmi vous, chacun le combattra par la preuve pour lui-même. Et Allah sera mon successeur pour chaque musulman. Rapporté par Muslim. De nombreux signes de l'heure sont déjà apparus, et ce que l'élu sallallahu alayhi wa sallam avait prédit s'est réalisé. Chaque jour, la foi des croyants augmente ainsi que leur confiance en lui, car ce qui apparaît comme preuve de sa prophétie et signe de sa véracité pousse les musulmans à se rattacher à cette religion. Comment leur foi n'augmenterait-elle pas, alors que les événements de l'ordre de l'invisible dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait parlé se réalisent comme il l'avait dit? Chacun de ces signes dont il a parlé est un miracle manifeste, octroyé aux prophètes de cette communauté, sallallahu alayhi wa sallam, que le malheur frappe encore et toujours ceux qui renient son message, ceux qui s'y opposent, ainsi que ceux qui en doutent. Ainsi, ce sujet tient son importance aujourd'hui du fait que les livres de certains contemporains mettent en doute la réalisation d'événements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, au sujet desquels la foi est requise, et dont certains comptent parmi les signes de la fin des temps. Certains en ont renié une partie, tandis que d'autres les interprètent de manière irrecevable. L'importance de la foi au jour dernier et son influence sur le comportement. La croyance au jour dernier est l'un des piliers de la foi et une croyance essentielle en islam. En effet, la résurrection dans la vie future est le point sur lequel repose le dogme après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance aux événements qui se dérouleront au jour de la résurrection, ainsi qu'à ses signes, fait partie de la croyance à l'invisible, ne pouvant être cernée par la raison ni connue, sinon grâce à la révélation. Ce qui montre l'importance de ce jour terrible est qu'Allah lie souvent la foi à lui avec la croyance au jour dernier. Allah Azawajal a dit « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. » La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier. Sourate Al-Baqarah, verset 177. Et Allah Azawajal dit encore ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au jour dernier. Sourate At-Talaq, verset 2. Les versets allant en ce sens sont nombreux. Il est rare de tourner une page du Coran sans y trouver la mention du jour dernier, sa rétribution et son châtiment. La vraie vie dans la vision islamique n'est pas la vie terrestre, courte et limitée, ni la faible longévité de l'homme. La vie, sur l'échelle du temps, dans la vision islamique, s'étend éternellement, et sur l'échelle du lieu, c'est une autre demeure, au paradis, aussi large que les cieux et la terre, ou une demeure en enfer. Allah Azawajal dit ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Sourate Al-Hadid, verset 21. Allah Azawajal dit encore « Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli ?» Il dira « Y en a-t-il encore ?» Surat Qaf, verset 30. La croyance en Allah et au jour dernier, sa rétribution et son châtiment, est ce qui mène réellement la personne à emprunter le chemin du bien. De plus, il n'existe aucune loi humaine pouvant octroyer à la conduite humaine une droiture comparable à celle qu'engendre la foi au jour dernier. C'est pourquoi il y a une différence considérable dans la conduite de celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui sait que la vie terrestre n'est qu'un champ de récolte pour l'au-delà, que les actes pieux constituent la provision de la vie future. Allah Azawajal a dit « Et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. » Surat Al-Baqarah, verset 197. Le noble compagnon, Umayr ibn Hammam, radiyallahu an, disait Aller vers Allah se fait sans provision, si ce n'est la piété et les œuvres pour le destin prochain, ainsi que la patience pour Allah dans le combat, mais toute provision est sujet à la disparition, si ce n'est la piété, la bienfaisance et la guider. Il y a donc une différence entre la ligne de conduite de celui dont la situation est telle et la voix d'un autre qui ne croit ni en Allah, ni au jour dernier, ni en ce qu'il renferme comme récompense et châtiment. Celui qui croit au jour de la résurrection œuvre en gardant à l'esprit la balance céleste, et non la balance terrestre, le jugement futur, non le jugement terrestre. Sa ligne de conduite dans la vie est unique. Il fait preuve de droiture, d'ouverture d'esprit, de force de foi, de ténacité dans les moments difficiles, et de patience dans le malheur, en vue d'acquérir la récompense et la rétribution, car il sait que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Suhayb, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le cas du croyant est étonnant. Toute son affaire est un bien, et cela n'appartient à personne sauf au croyant. Si un bonheur le touche, il remercie, ce qui est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, ce qui est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Le bienfait du musulman ne se limite pas seulement aux êtres humains, mais s'étend également aux animaux, comme cela est souligné par la parole célèbre de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an. Si une mule trébuche en Irak, je crois bien qu'Allah azawajal me questionnera à son sujet. Pourquoi ne lui as-tu pas aménagé le chemin, ô Omar? Ce sentiment provient de l'influence de la foi en Allah azawajal, et au jour dernier, et de la prise de conscience de la lourde responsabilité dont s'est chargé l'homme, mais qu'ont refusé de porter les cieux, la terre et les montagnes. Il s'agit de réaliser que l'on est responsable de toute chose, petite ou grande, car on sera jugé et rétribué en fonction de cela, le bien pour un bien et le mal pour un mal. Allah Azzawajal a dit « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y a entre elle et ce mal une longue distance. Sourate Al-Imran, verset 30. Allah Azawajal dit encore « Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché mineur, ni péché majeur ?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Sourate Al-Kahf, verset 49. Quant à celui qui ne croit pas en Allah Azawajal, ni au jour dernier, au jugement et à la rétribution, celui-ci essaye tant bien que mal de réaliser ses objectifs dans la vie terrestre, courant à en perdre le souffle derrière ses jouissances, désireux avec ardeur de les obtenir, faisant obstacle sur son chemin au bien qui pourrait atteindre les gens. Il a fait de la vie terrestre la chose la plus importante et le but ultime de son apprentissage, évaluant les choses en fonction de son intérêt personnel, sans se soucier des autres, sauf quand cela permet de lui octroyer un bien dans cette vie courte et limitée. Il œuvre, mais ses repères se limitent à la vie terrestre. C'est pourquoi son jugement est autre, sa balance est différente, et il n'aboutit qu'à des résultats erronés, car il considère improbable la résurrection. Allah Azawajal a dit à ce sujet, « L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge, à quand le jour de la résurrection ?» Surat Al-Qiyamah, versets 5 et 6. Cette optique païenne, limitée et niaise, a poussé les gens de l'époque de l'ignorance à faire couler le sang, s'emparer des fortunes et barrer le chemin. Car ils ne croyaient ni à la résurrection, ni à la rétribution, tout comme Allah Azawajal décrit leur situation en disant « Et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. » Surat Al-An'am, verset 29. D'ailleurs, l'un d'eux a dit « La matrice donne et la terre reprend. » Les générations passent, la stupeur s'installe et le reniement est plus grand. Ainsi, le déni de toute chose en dehors du matériel est total, comme dans le communisme marxiste athée qui ne croit ni en Allah ni au jour dernier et décrit la vie comme étant la matière seulement, considérant qu'il n'y a rien d'autre en dehors de la matière tangible. Leur leader, Marx, prétend qu'il n'y a pas de Dieu et que la vie, c'est la matière. C'est pourquoi ils sont comparables aux animaux, ne comprenant guère le sens de la vie et la raison pour laquelle ils ont été créés. Au contraire, ils sont égarés et perdus. Et s'ils arrivent à se grouper en communauté, cela se fait par crainte de représailles de la loi. Nous constatons également que de tels gens sont parmi ceux qui sont le plus attachés à la vie, car ils ne croient pas à la résurrection après la mort, ainsi que le dit Allah Azawajal en décrivant les polythéistes parmi les juifs et autres. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie, pire en cela que les polythéistes. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Sourate al-Baqarah, verset 96. Le polythéiste n'espère aucune résurrection après la mort, et aime donc la longévité. Par contre, certains savent ce qui les attend dans la vie future comme avilissement, à cause de ce qu'ils ont fait de la connaissance qu'ils possédaient. Cette catégorie de gens et leurs semblables sont de la pire espèce. Nombre de choses sont propagées parmi eux, dont la cupidité, l'avidité, l'accablement des peuples et leur asservissement, ainsi que le dépouillement de leurs richesses. Tout ceci en vue d'acquérir les jouissances de la vie terrestre. Aussi apparaissent chez eux la dissolution des mœurs et le comportement bestial. Mais dès qu'ils aperçoivent que les difficultés et les peines de la vie prennent le pas sur ce qu'ils espèrent comme passion, il ne leur reste plus rien les empêchant de mourir, car ils n'envisagent aucune responsabilité dans la vie future. Ainsi, plus rien ne les retient d'en finir avec cette vie. C'est pour cela que l'islam souligne dans le Coran l'importance de la foi au jour dernier et l'affirmation de la résurrection, du jugement et de la rétribution. En effet, il blâme les ignorants qui en doutent et ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer qu'il s'agit d'une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscité, puis vous serez certes informé de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. » Surat al-Taghabun, verset 7. Il évoque certaines situations du jour de la résurrection, ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux comme récompense et aux pécheurs comme châtiment, en attirant l'attention de ceux qui renient les preuves de sa réalité, afin d'ôter le doute de l'esprit et de placer ce jour et ses frayeurs face à soi, pour que la conduite s'améliore dans cette vie, en suivant la religion de vérité apportée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voici quelques-unes de ces preuves. La première création. Allah azawajal a dit « Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon formé aussi bien qu'informe. » Surat al-Hajj, verset 5. Celui qui a été capable de créer l'homme en phases successives n'est pas dans l'incapacité de le refaire une seconde fois. De plus, le recommencement est plus simple, logiquement, que le commencement. Allah azawajal a dit « Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. » Surat Yasin, versets 78-79. Les aspects concrets de l'univers témoignent de la possibilité de la résurrection. Allah Azawajal a dit « De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. » Surat al-Hajj, versets 5 et 7. La revivification de la terre morte par la pluie et l'apparition des plantes est une preuve de la capacité du Créateur à redonner vie aux morts et faire venir l'heure. La capacité manifeste d'Allah Azawajal démontrée dans la création de ce qui est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil ? Oh que si ! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Surat Yasin, verset 81-82. Le Créateur des cieux et de la terre, malgré leur grandeur, est capable de redonner forme à la création de l'homme qui est plus petit. Allah Azawajal a dit « La khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamoun » La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Ghafir, verset 57. Sa sagesse apparente à chacun est démontrée dans les êtres et claire pour celui qui observe attentivement et dépouille sa logique de tout entêtement et passion. Le sage n'est point tel à laisser les gens sans obligation à observer, ni à les créer futilement sans qu'ils ne reçoivent d'ordre ou d'interdiction ou soient rétribués en fonction de leurs actes. Allah Azawajal a dit « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. » Surat al-Mu'minun, verset 115-116. Allah Azawajal dit encore « Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. » Surat al-Dukhan, verset 38-39. Il est clair pour celui qui observe les merveilles de la création et médite sur leur organisation et leur harmonie que toute chose est créée avec mesure, dans un but et un délai assez long pour concrétiser cette finalité, ce qui assure son existence si elle suit le chemin qu'Allah a voulu pour elle. La méditation sur cet univers fascinant nous montre, en plus de la grandeur de la connaissance d'Allah et de son immense pouvoir, sa sagesse parfaite. En effet, il n'a pas laissé le faible être opprimé par le fort sans qu'il n'y ait de réprimande, et il n'a pas laissé ceux qui dévient du droit chemin sans qu'ils ne connaissent le châtiment qu'ils méritent après cette vie. Il ne délaisse pas non plus ceux qui se sont consacrés à œuvrer pour satisfaire leur Seigneur, sans même savoir, de par la grâce d'Allah et son bienfait sur eux le jour dernier, que ce qu'ils ont sacrifié comme bien et ont enduré comme peine dans leur vie n'est qu'une chose insignifiante à côté de ce qu'ils trouveront comme rétribution et bienfait dans un paradis contenant ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qui n'est venu à l'esprit de personne. Si les gens méditent sur les lois universelles d'Allah Azawajal, l'immensité de sa sagesse, ainsi que sa généreuse sollicitude envers l'homme et l'honneur qu'il lui accorde, cela les poussera à avoir foi au jour dernier. Ainsi, il n'y aurait plus d'égoïsme, ni de ruée sur la vie, mais plutôt l'entraide dans le bien et la piété.